الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نغفر بساج شغل القرآن. تفضل. صفحة كم؟ بس كم واجب أنا من طبع قبو 114. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما. والمراء فيه كفر. Le Coran est la parole d'Allah et sa révélation et sa lumière. Et certes, le Coran provient d'Allah, comme ce qui est du Coran est d'Allah. Et le Coran n'est pas créé. Tels sont les dires de Malik ibn Anas, Ahmed ibn Hanbal et les savants venus avant et après eux. Et polémiquer, discuter, débattre sur ce sujet est de l'incrédulité. Al-Sharh. قوله القرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا. Donc le Coran, ce sont les paroles d'Allah, c'est sa révélation, c'est sa lumière, et c'est incréé. من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل ومزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. Parmi la conviction de أهل السنة والجماعة que le Coran, ce sont les paroles d'Allah. Allah les a cités réellement, de manière réelle. Et Jibril alayhi salam, il a entendu ces paroles-là et il est descendu avec, il l'a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadhihi aqidatun lam yukhalif fiha ahadun min ahli al-ilm. Sa'irin ala sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc cette conviction-là, il n'y a personne qui l'a contredit. Les gens qui sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qui a contredit cela ou démenti cela. وإنما خالف فيها أهل الضلال من الجهمية أتباع الجهم بن صفوان وأفراخ الجهمية من المعتزلة والزيدية والشيعة كل هؤلاء أخذوا عن الجهمية هذه المسألة. Donc il dit, ceux qui ont contredit à ce sujet-là, ce sont أهل الضلال comme الجهمية, ceux qui ont suivi الجهم بن صفوان وأفراخ الجهمية. أفراخ, on a vu ce mot-là auparavant, je vous le répète, أفراخ, فرخ, Jam'u firakh, afrakh, petit oiseau, oisillon, yani atba', afrakh al-jahmiya, yani c'est comme leurs enfants, leurs suiveurs, hein, ceux qui ont pris de eux, tels que le Mu'tazila, al-Zaydiya, al-Shi'a. Il n'y a pas le livre de Cheikh Mohamed Aman ici sur les sectes, non? Non. Français. Inch'Allah, pour la semaine prochaine. C'est qui a ce livre? Non. Tu le ramènes, Inch'Allah, pour qu'on voit juste. Justement, le Jahmiya, rapidement, en quelques lignes. Ouais, au Mu'tazila, on l'avait déjà vu. Zaydiya, normalement, ils sont dedans. Au Shia, kullu ha'oula, tout cela, ils ont pris de le Jahmiya sur ce point-là. Ils disent que le Coran, makhlouq, tiba'an, les Jahmiya, puisque le Jahmiya, ils étaient avant les autres. Au Kadalik, l'Ibadiya. Pareil, l'Ibadiya aussi, Shia, c'est le Malihim, dans le livre. الإباضية كلهم يسيرون على هذا المنهج المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. Tous ceux-là, ils sont sur une voie qui est contraire à celle de أهل السنة والجماعة. فيرون أن القرآن مخلوق. Ils disent, يرون, ça veut dire ils voient, c'est-à-dire ça vient de رأي. Leur opinion, ce qu'ils disent à ce sujet, ce qu'ils ont comme conviction, c'est que le Coran, il est créé, مخلوق. لأن الله عندهم لا يوصف بأنه يتكلم. Chez eux, Allah, il caractérise pas Allah. Il ne donne pas cet attribut, annahu yatakallam, comme on a vu ça, mufassalan, dans le Lum'a, lundi. Kama annahu la yusafu bis sam'i wal basar wal ilm wal irada. Allah ne le caractérise pas par le sam', par l'ouï, ça c'est chez eux, al-jahmiya, wa atba'uhum, al-sam', al-basar, la vue, al-ilm, le savoir, al-irada, la volonté, wa ghayri dhalika min indahum. Et d'autres choses de ce type-là. Wa la yusafu bi anna lahu wajhan. Ils disent, Allah il n'a pas de wajh. وَأَنَّ لَهُ يَدَيْنِ et qu'il a deux mains. Il a غيري ذلك et d'autres choses à ce sujet-là. وَقَصْدُهُمْ مِنْ هَذَا إِفْسَادُ الْعَقِيدَةِ وَإِنْ كَانُوا يَتَظَاهَرُونَ أَنَّ قَصْدَهُمْ تَنْزِيهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى عَنْ مُشَابَهَةِ الْمَخْلُوقِينَ. Donc il dit, leur but à ce sujet-là, c'est de détruire la conviction, corrompre la conviction, l'aqidah, même si, en apparence, ils disent que Nous, on dit ça. Ils disent, on dit qu'Allah, il n'a pas de main, qu'il n'a pas l'irada, il n'a pas l'yadain, il n'a pas ce qu'on a vu avant, l'ilm, etc. Pourquoi ? Pour dire que, pour ne pas faire ressembler Allah à sa créature, comme c'est connu. C'est une prétention qui est fausse, qui est vaine. فإن صفات الرب سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين. Les attributs d'Allah ne ressemblent pas aux attributs des créatures. الرب جل وعلا له أسماء وصفات تليق به وبعظمته. Allah جل وعلا, il a des noms, il a des attributs qui sont en conformité avec son caractère parfait. وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم وببشريتهم. Les créatures, elles ont des noms, des attributs qui sont conformes à leur caractère faible, à leur caractère d'humain. فَلَا تَشَابُهَا بَيْنَ النَّوْعَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْحَقِيقَةِ وَالْكَيْفِيَةِ. Il n'y a pas de ressemblance entre les deux sortes, صفات الخالق وصفات المخلوق, dans la réalité et le comment. La réalité et le comment. وَإِنْ كَانَتْ تَشْتَرِكُ فِي الْمَعْنَى وَاللَّفْظِ. Même si c'est les mêmes termes. سَمْعُ اللَّهُ وَسَمْعُ الْمَخْلُوقِ. بَصَرُ اللَّهُ وَبَصَرُ الْمَخْلُوقِ. Etc. Si le terme et le sens c'est le même, la perfection et le comment, et la réalité de la chose, c'est pas la même. وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِ Al-Mutawati. Ça, c'est ce qu'on appelle Mutawati, c'est-à-dire c'est en harmonie. Hein? Mutawati. Mutawati fil lafdi wal ma'na wa yiftariq fil haqiqa wal kayfiyya. C'est la même chose dans le sens et dans le terme. Sam' wa sam', basar wa basar, yad wa yad, ilm wa ilm, irada wa irada, etc. Mais le haqiqa wal kayfiyya, elle n'est pas pareil. Lakinaha la tashtariku fil haqiqa wal kayfiyya. Hada huwa madhhabu ahli sunnati wal jama'a. Ça, c'est la conviction de Ahl al-Sunna. Daliluhum ala dhalika min kitab Allah. Wa in ahadu min al-mushrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Surat al-Tawba, au début, un des dalils qu'on a qui prouve que le Coran c'est bien les paroles d'Allah. Surat al-Tawba 9 verset 6. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Afin qu'il entende la parole d'Allah. At-Tawbah. Adaf al-kalama ila nafsihi subhanahu wa ta'ala. Wa qala fil munafiqina yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Il a dit à propos des hypocrites, surat al-Fath 48, verset 15. Ils veulent changer les paroles d'Allah. Adafahu ila nafsihi. Allah, il a attribué les paroles à lui-même. Il a dit, hatta yasma'a kalam Allah. Kalam Allah. Et là, il a dit, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. أضافه إلى نفسه إلا أتريبيه إلا راكورديا ألوي. والأدلة من السنة ومن إجماع الأمة كثيرة على هذه المسألة. Les preuves de la Sunna et également du consensus de la communauté, les preuves sont nombreuses sur ce point-là. فهي مسألة يقينية بلا شك. C'est un point de certitude. Il y a pas à ce sujet, il y a aucun doute. ولا يؤثر فيها اختلاف أهل الضلال. La divergence ou le fait que Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila, Al-Zaydiya, Al-Shi'a, etc., ils ne sont pas d'accord, ça n'engendre rien à ce sujet, ça n'a pas de répercussion. Bien al-Qur'an a kalam Allah. Le fait que le Qur'an, ce sont les paroles d'Allah. Wa huwa fardun min afradi kalamihi subhanahu wa ta'ala. Donc, ça fait partie des paroles d'Allah, le Qur'an. On a dit la dernière fois que Allah lahu kalam, hadith al-ahadith, il se réitère, le Qur'an, ça fait partie des paroles d'Allah. Ça ne se limite pas que à ça. Allah يتكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء. Allah, il a parlé et il parle et voilà يزال et il parlera, hein, متى شاء, quand il veut, et إذا شاء, lorsqu'il le veut, بما شاء, à travers ce qu'il veut dire. موصوف بالكلام. Un de ses attributs c'est أنه يتكلم. وهذا القرآن من أفراد كلام الله. Coran, ça fait partie des paroles d'Allah. تكلم بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور. Il a parlé à travers le Coran, à travers le Taurat, la Torah, l'Injil, l'Évangile, le Zabur, les psaumes de Daoud alayhi salam. Yatakallamu bil amri wa nahi. Il parle à travers l'ordre et la restriction. Yaqulu li shaykun fayakun. Il dit à la chose soit et elle est. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Surat Yassin 36 verset 82. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. فأثبت لنفسه القول. Donc il a affirmé, أثبت لنفسه. Il a affirmé à son égard, à son sujet, le fait qu'il parle. إذ قال الله يا عيسى. Al Imran, surat 3, verset 55. Lorsque Allah dit, ô Isa. il y a les nida pour appeler. Et Isa, c'est le Nabi al-Ma'ruf. وكلم موسى بكلام مسموع أو سمعه موسى حينما أرسله إلى فرعون. Ce qu'on a vu lundi, il a parlé à Moussa à travers des paroles lorsqu'il l'a à travers des paroles que Moussa alayhi salam il a entendu quand il l'a envoyé à Pharaon. فالله جل وعلا موصوف بالكلام ومن كلامه القرآن الكريم. Allah il a cet attribut là de parler et parmi ses paroles al Qur'an al Karim. وأما قول أهل الضلال أن إضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه. Ce qu'ils disent المبتدعين par exemple c'est que quand Allah dit kalam Allah, ça ne veut pas dire que ce sont ses paroles dans le sens que c'est incréé. Ils disent c'est une attribution de créature à au créateur. Créature au créateur. Mithl comme naqatillah. Naqatillah dans nombre de versets dans Hud, dans d'autres sourates, naqatillah la chamelle d'Allah, wa baytillah la maison d'Allah. Fataqu fa naqulu هذا من الافتراء والتلبيس. Le cheikh dit ça c'est parmi grand mensonge et c'est le fait de tourner le faux en vrai et le vrai en faux, hein, c'est de corrompre les choses et de brouiller les choses. Fal mudaf ila Allah qisman, il y a deux catégories de choses qui sont rattachées mudaf idafa envers Allah qisman. L'awwal al-qism al-awwal idafatu ma'anin, le fait de rattacher raccorder à lui ma'anin des sens. الثاني إضافة أعيان. Le fait de raccorder à lui des choses أعيان, c'est-à-dire des choses qui sont réelles, hein? Par exemple ناقة, c'est une chamelle. معنى ولا عين؟ عين. وبيت الله, c'est معنى ولا عين؟ عين. بيت الله. عين. معنى. علاش؟ c'est pas quoi? C'est pas l'objet de la bête. Là, لكن بيت. Naqa, il est c'est sa chamelle sur laquelle il monte dessus. Ah ben là, bait, c'est ma'na ou l'ain? Ain, malmous, bait malmous. Voilà, c'est une chose réelle, concrète que tu peux toucher. Amma al-kalam, al-kalam ma'na ou l'ain? Là c'est ma'na. D'accord. Donc al-ma'ani idafatuha ila Allah, idafatu sifa ila mawsouf. Al-ma'ani, donc les sens. إضافتها, le raccordement qu'on fait ou l'attribution qu'on en fait à Allah, إضافة صفة إلى موصوف, c'est un attribut qu'on donne à celui qui s'est caractérisé par. وهي إضافة حقيقية فهي من صفاته, donc c'est une attribution réelle, ça fait partie de ses attributs. كالكلام والسمع والبصر, tout ça c'est معاني. السمع c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, البصر الكلام etc. وإضافة الأعيان, l'a'yan, donc les choses qui sont concrètes, qui sont réelles, kannaqa wal bayt, comme la chamelle, comme la maison. Hadhihi idafatu makhluq ila khaliqi wa hiya idafatu tashrif. C'est idafatu makhluq, c'est une créature que l'on raccorde à son créateur. Idafatu tashrif, les savants appellent ça idafatu tashrif, c'est une attribution de noblesse. Baytullah, naqatullah, etc. Fahum خلطوا بين الأمرين ولم يفرقوا بين هذا وهذا. Donc ils ont dit, ils ont mélangé tout. Ils ont mélangé l'a'yan avec le ma'ani et ils n'ont pas différencié entre ça et ça. ولذلك نص أهل السنة والجماعة على هذه المسألة في كتب العقائد. C'est pour ça que أهل السنة والجماعة ils ont spécifié ce point là. Ils en ont parlé, ils l'ont expliqué dans les livres de عقيده. ليردوا على أهل الضلال, pour répondre, répliquer sur أهل البدع. وإذا كان الله ليس له كلام كما يزعمون فكيف يأمر وينهى. Si Allah il n'a pas, il ne parle pas comme il prétend. Comment est-ce qu'il ordonne et comment est-ce qu'il impose les restrictions? Comment il met les ordres et les interdits? وهذا معناه أنها تتعطل الأحكام الشرعية. Donc ça engendre que les lois religieuses, faire ceci et ne pas faire cela, dire ceci et ne pas dire cela, etc. ça va s'annuler. تتعطل, hein? وينهدم أصل الأصول وهو القرآن. La racine des racines ou la base des bases ou le fondement des fondements, il va yanhadim, ça veut dire il va se détruire, hein, il va se détruire, il va s'écrouler. Al Quran faidan hadama hada al asl hadama al islam, si la base elle s'écroule, al islam il s'écroule. Walakin hum yaluduna bit tanzih, mais eux cherchent à se protéger à travers tanzih. Yani dans le sens qu'ils disent que nous, ce qu'on a, on a refusé cela, c'est pour dire, on dit qu'Allah il n'a pas yed, ou il n'a pas sam'a, il n'a pas basar, c'est pour tanzih, c'est pour dire, c'est pour pas faire, c'est pour éviter toute ressemblance, une ressemblance quelconque avec la créature. Voilà, c'est hada huwa tanzih. Le cheikh il dit c'est pas ça. Tanzih qu'il faut faire, c'est pas de cette manière. Hada ta'til. Ça c'est ta'til. Ça c'est on est en train de renier ce qu'Allah il s'est attribué. Allah il dit qu'il a yadayn, il dit qu'il a sam', il dit qu'il a basar ila akhirah, et toi tu dis non. Huwa alladhi dhakarahu, huwa alladhi dhakarahu Allah bi qawlihi laysa kamithlihi shay. Al-Shura, sourate 42 verset 11, rien ne lui ressemble. Al ta'lamu lahu samiyya. Maryam 19 verset 65, lui connais-tu un homonyme, Samiyya. هذا هو التنزيه الذي ذكره الله وهو نفي أن يشبه المخلوق بالخالق. Donc, il dit c'est ça le tanzih. Ce qu'Allah a cité, le fait de ne pas faire ressembler la créature au créateur. أو يساوى المخلوق بالخالق. Ou de faire en sorte que la créature et le créateur ils sont égaux. هذا هو الذي ينزه الله جل وعلا عنه. C'est à ce propos-là que il faut dire, c'est à ce sujet-là, c'est sur ce point-là qu'il faut mettre l'accent et dire que Allah ne ressemble pas aux créatures. أما نفي الصفات فهذا تعطيل ناشئ عن التشبيه. Il dit mais le fait de rejeter les attributs, ça c'est تعطيل, c'est un rejet. C'est le fait de démentir, de rejeter. من أين نشأ هذا ناشئ, ça veut dire que ça provient de. Ça provient de quoi? De تشبيه. Quelqu'un qui a fait une ressemblance dans sa tête, pour éviter la ressemblance, il va dire نعطل الصفات ونبتعد عن التشبيه. Quand on rejette les attributs, c'est sûr qu'il ne ressemble pas à sa créature. وهذا غلط. فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. Donc, شبهوا. D'abord, ils ont fait la ressemblance. Hein? Ensuite, ils ont rejeté. وليس تنزيها. Ce n'est pas du تنزيه. ففرق بين التنزيه والتعطيل. Grand écart entre التنزيه et التعطيل. جاءت الأشاعرة بشيء عجيب. Donc, الأشاعرة. Ils sont venus avec quelque chose d'étonnant. A'jaba min qawli al-jahmiyya. Plus étonnant que la parole de al-jahmiyya. Faqalu kalamullah yanqasimu ila qismayn, ma'ani wa alfaz. Ils ont dit les paroles d'Allah se décomposent en deux. Il y a le ma'ani, les sens, et il y a l'alfaz. Yani les alfaz, c'est ce qui se prononce, ce qui se dit. Al-ma'ani hiya kalamullah, les sens, ce sont les paroles d'Allah. Wallahu yusafu bi anna lahu kalaman wa huwa al-ma'na al-qadim al-qa'im bi nafsihi. Donc ils disent, Allah il est caractérisé comme quoi, on lui donne cet attribut comme quoi il a lahu kalam, il a des paroles, et c'est le sens, les sens qui sont en lui-même, qui sont anciens, qadim, qa'im bi nafsi, c'est en lui-même, fi dhati. Amma anna Allah yatakallam bi harfin wa bi sawtin, fa hadha manfiyun 'indahum 'anillah. Donc le fait que Allah, il a prononcé, il a cité plutôt ses paroles, hein, takallama bi harf wa sawt, à travers de huruf, des lettres, et saut à travers un son qu'a entendu Moussa, qu'a entendu Jibril, etc. هذا منفي عندهم. Ça, eux, ils le rejettent. Ils disent que c'est faux. Allah lahu kalam, kalam fi nafsihi. C'est pour ça qu'on avait vu qu'ils disent que le Coran, comment ils disent les Ash'ara, sur le Coran, ils disent quoi? Ils disent c'est ibara an kalam illah. C'est une expression de la parole d'Allah, c'est pas les paroles d'Allah. Ils disent que Allah il a donné à Jibril pas bi harf wa saut, mais il a alqahu fi ru' Jibril. Ça c'est yani Jibril il l'a eu en lui-même wa abbara. C'est lui qui s'est exprimé à travers le Coran. Wa hadha kalam c'est faux. On a dit que le Coran bi harf wa saut, l'alfaz, les termes qu'on a dans le Coran, kulluhu takallama Allah bih. Allah il a cité ses paroles. Jibril alayhi salam il les a entendues. Il les a pris d'Allah directement, il ne les a pas pris de l'Ouh al-Mahfoud comme ils disent l'Asha'ira, il les a donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit « هذا من في عندهم عن الله » ويقولون « هذا هو معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى » Ils disent les paroles d'Allah, le ma'ani, c'est quelque chose qu'il a en lui. Hein? C'est des sens qu'il a en lui. « وَمَا اللَّفْظ » Par contre l'expression « فَهُوَ كَلَامُ الْمَخْلُوق » Ils disent ce sont des paroles, voilà il le cite. « أي هو من كلام جبريل أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم » Ils disent ce sont les paroles de la créature, min kalam Jibril ou min kalam Muhammad. Ils utilisent le verset qu'il y a, innahu la qawlu rasulin karim, innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir, dans le haqqa, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un autre verset sur le fait que c'est les paroles de Rasoul également, c'est Jibril qui est visé. Qawl wal kalam. Donc, ils disent, ay huwa min kalam Jibril ou min kalam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faja'alu al-Qur'an mukawwanan min shay'ain. Donc, ils ont fait en sorte que, et ils disent que le Qur'an, il est composé de deux choses. Min makhlouq wa ghayri makhlouq. Al-Qur'an, al-Kalam, al-Qur'an, mukawwan min shay'ain. Une partie qui est créée, une partie qui est incréée. Falahum saru ma ahli sunna wa qalu al-Qur'an ghayri makhlouq. Ni ils ont pris le côté de ahli sunna, ils ont dit le Qur'an, ce sont les paroles d'Allah réelles, c'est un attribut à lui, c'est incréé. Walahum saru ma al-Jahmiyya wa qalu al-Qur'an ghayru kulluhu. Ils ont pris le côté de Jahmiya en disant que le Coran tout entier il est créé. Ni ça ni ça. Le Coran kulluhu makhlouq. Kanu mudabdabin. Ils étaient mudabdabin, yani ils n'avaient pas de camp. Une fois ils regardent là, une fois ils regardent là. Mithlu maqalat al-Nasara fil Masih. Comme la parole des chrétiens à propos du Masih. Annahu mukawwan min shay'in. Qu'il est composé de deux choses. Min al-lahut wa al-nasut. هذه العبارات ما نعرفهمش على كل حال لكن اللاهوت الذي يظهر صافيان دو الاله ايوه والناسوت من الناس صح موتي ديفان موتي هيومان اللاهوت والناسوت ويقولون اتحد اللاهوت بالناسوت يديس كو فيزيونيك اتحاد سي سا سي فيزيوني سي ايوه سي سا فالحاصل الشيخ دي كونكلوزيون ان هذه مساله أن هذه مسألة عظيمة جدا. Ce sujet-là, ce point-là, lequel ? كلام الله. القرآن كلام الله حقيقة. تكلم الله به بحرف وصوت. وهو غير مخلوق. Ce point-là, il dit, c'est très important. ولا يهولنكم قول المخذلين. قول المخذلين الذين يدعون أنهم من أهل السنة. Il faut pas être. لا يهولنكم. Ça veut dire pas être effrayé ou ne pas être déstabilisé, voilà, de la parole des gens qui ont été mukhadzil. C'est quoi le mukhadzil? Ça vient de le khidlan. La yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum. Qui prétendent être min ahli sunna. Wa yakouloun ma tahtamilu hadhihi al mas'ala hadha al jidal. Ils disent ce point là, faut pas en faire une montagne, faut pas en faire un grand sujet de débat. والإمام أحمد مبالغ في كونه امتنع أن يقول بخلق القرآن. Ils disent l'imam Ahmed il a exagéré dans le fait qu'il s'est, il est allé trop loin dans le fait qu'il s'est abstenu de dire que le Coran il est créé. Comment ça veut dire quoi ma tahtamilu hadhihi al-mas'alata hadha jidal, c'est-à-dire quoi? ويقولون ما تحتمل ما نافية ici ما نافية حرف ما تحتمل هذه المسألة. Ce point là Il ne faut pas en faire tout un grand sujet de discussion comme ça, tout un débat, tout un... Voilà. Et c'est pas si grave que ça. Ils disent, l'imam Ahmed Moubalir, il exagère. Il est allé trop loin dans le fait qu'il s'est abstenu de dire que... Il s'est refusé, il s'est abstenu, il s'est retenu de cela. Ils disent, ce sujet-là, il ne demande pas autant de rudeur, etc. هذا موجود في كتابات بعض من يتسب للعلم. Il dit ça, tu trouves ça dans certains écrits de certaines personnes qui s'attribuent à, ils disent يعني هم دعاة وهم كتاب etc. وبعضهم يقول ما حصل بين أحمد وخصومه خلاف سياسي. Certains disent qu'il y a eu entre l'imam Ahmed et le خصوم المعتزلة, le مأمون et الأتباع, ceux qui sont venus après par la suite. Il dit c'est une divergence politique, c'est un point politique, rien à voir avec la religion. فإذا تأملت وجدت المسألة ليست خفيفة. Quand tu regardes le sujet de près, tu médites, tu vois que ce n'est pas un sujet aussi léger, aussi simple, aussi simplé qu'il ne le croit. « Idha nafa an yakun al-Qur'an ou kalam Allah »« Kalama » Mansoub normalement, je ne sais pas pourquoi il a eu marfou. « Famada yabqa ma'ana » Donc il dit... Il y a un ta'liq, samahat al-Sheikh, qui est revenu. « Idha nafa... » Je vais excuser. T'as vu ou là? Il est trop d'eau. S'il est nié. Non? Si quelqu'un lit. Ida Nufia. Non, je parlais plutôt ça. Ida Nufia, non? فإذا تأملت وجدت المسألة ليست خفيفة. إذا نفي أن يكون القرآن كلام الله فماذا يبقى معنا؟ Il dit donc, si on renie le fait que le Coran, ce sont les paroles d'Allah, qu'est-ce qui va rester avec nous ? Il dit, عطل الرب من صفة الكلام من صفة الكلام فماذا فهذا نقص في الرب سبحانه. Si jamais يعطل الرب, ça veut dire, on dit qu'Allah il n'a pas cela. On nie à son sujet صفة الكلام, le fait que Allah يتكلم. Donc c'est un amoindrissement à propos d'Allah جل وعز. لأن الذي لا يتكلم ليس بإله. Celui qui ne parle pas, c'est pas une divinité. والله سبحانه عابا على اليهود لما عبدوا العجل. الله لا blâmé les juifs quand ils pas Moussa quand ils s'absentaient. عبدوا العجل, ils ont adoré le veau. فقال ألم يروا أنه لا يكلمهم. Ne voit-il pas que il ne leur parle pas, hein? Il ne leur parle pas. الرب لا بد أن يتكلم أنه يتكلم. الرب لابد أنه يتكلم. Seigneur, الرب, il faut impérativement qu'il parle, ويدبر, qu'il gère, qu'il dirige, ويأمر, وينهى, il ordonne, il interdit. فالله إذا نفي عنه الكلام صار لا يصلح للإلهية. تعالى الله عما يقولون. Si Allah, on enlève à son sujet, on renie le fait que il parle, il devient donc لا يصلح للإلهية. Ça peut pas être une divinité. Divinité réelle, méritant l'adoration. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Et ça, c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Que la divinité, elle parle? Non, mais je comprends. Ce qui est faux, c'est que Allah, il parle pas. D'accord? Femme-t-on? Ta'ala Allahu amma yaqulun. Hadihi mas'ala azima. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Anna Allah la yatakallam. Ils disent que Allah, il parle pas, etc. Hadihi mas'ala azima. Ce sujet, il est pointu. Où il est plutôt important. ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله وقف موقف الجبال الراسيات. الإمام أحمد, il s'est tenu debout. الجبال الراسيات, c'est les montagnes qui sont fermement ancrées dans la terre. Tu peux pas les اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. ولم يتنازل ولم يتأول. الإمام أحمد, il sait pas تنازل, c'est-à-dire trouver un compromis. En disant, Saha, je vais dire le Coran makhlouq, et vous, kada wa kada. Walam yata'awwal, il n'a pas cherché à interpréter les choses. Wa sabara ala al-mihna, il a patienté sur l'épreuve. Mihna, c'est épreuve. Minha, c'est bourse. Quand tu inverses nun ou l'ha. Mihna, imtihan. Sabara ala al-sijn wa ala al-darb, il a patienté sur l'emprisonnement et sur le fait d'être torturé. Wa ala al-ihana, le fait d'être avili. من ثلاثة خلفاء trois califes. المأمون مأمون, on a vu plusieurs fois comme quoi il l'a jamais atteint, ما شافوش, il est mort avant. المعتصم الواثق, والمعتصم والواثق, parce que le quatrième il a secouru أهل الحديث. كلهم تتابعوا على تعذيبه. Les trois se sont تتابعوا, ils se sont comme les séances, se sont succédé dans le fait de le torturer, dans le châtier. يريدون منه أن يتنازل. Ils veulent impérativement qu'il revienne sur ses paroles ou trouver un compromis. فأبى رحمه الله وثبت. Il a refusé cela. Il est resté ferme. وفي آخر عهد الواثق يقال إنه رجع لما حصلت عنده مناظرة بين عالم من أهل السنة وبين بشر المريسي. Donc il dit, à la fin de l'époque de الواثق, il a été dit que رجع. الواثق, il est revenu sur sa vision. Sur sa vision des choses, lorsqu'il y a eu le monadara. Le monadara qu'on a dans le Lumat l'I'tiqad, quand il a dit, Ibn Abi Douad, il lui a dit, ils ne connaissent pas ça. Après, il lui a dit quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Toi, il a dit, c'est bon, alors je dis qu'ils le connaissent. Le monadara, on va l'avoir en bas, le cité. Monadara, c'est duel. C'est ouais, débat, hein. Débat, ou le duel. Ouais, donc, le duel. Bain alim, min ahl sunna, wa bain bisr. المريسي. لما بعد العلم يزون سيتي كما يسابل الشيخ هذا كيف في المناظرة. وانكسر المريسي. المريسي من كبار معتزلة متوفى 218 من الهجرة. عند ذلك تراجع الواثق. اسمه مولا الواثق اللي يغفني شخص باول. قال الذهبي في سير رحمه الله في سير علم النبلاء, قال إبراهيم بن أصباط, حمل رجل مقيد فأدخل على ابن أبي دؤاد بحضور الواثق. Donc un homme Muqayyad, ça veut dire qu'il est attaché. Hein? Il avait les jambes ou les bras attachés. Ils l'ont ramené et ils l'ont fait rentrer chez Ibn Abi Du'ad. Ibn Abi Du'ad, c'était le ministre de l'Okhr, de Al-Mu'tasim et le Wathiq derrière. Mu'tasim, c'est Khalif al-Abbasi, le 8e calife Abbasi. كان حاكم العراق فهو تولى الخلافة جو كخوا الله أعلم وفاة تاع المأمون تقريبا 218 هكا 218 للهجرة كما المأمون هو خدا شفوقت الحجاج نو نو أبخي بيان أبخي الحجاج أدرك الصحابة وقتلهم عبد الله بن الزبير قصة فك عبد الله بن الزبير مع الكعبة هدم الكعبة توسا سيتي بيان أفون 218 ويا بلو دو كومبانيون ويا بلو دو تابعين Oui, bien plus avant, après. Abdou Ibn Zubair, là, oui. Abdou Ibn Zubair, là, oui. Non, Abdou Ibn Zubair, là, oui. Mais Abdou Ibn Zubair, là, oui. L'idée, c'est quoi? Abdou Ibn Zubair. Kien Zubair ou Kien Zubair. Ihtimal. Donc il dit Humila, ils l'ont ramené, Muqayyad est comme menotté si tu veux. فأدخل على ابن أبي دؤاد بحضور الواثق. Ils l'ont fait rentrer chez ابن أبي دؤاد avec la présence de le خليفة الواثق. فقال لي أحمد ابن أبي دؤاد. أحمد ابن أبي دؤاد c'est le ministre هذاك. Il lui a dit أخبرني عن ما دعوتم الناس إليه. Il a dit informe-moi à propos de quoi vous appelez les gens. أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دعا إليه أم شيء لم يعلمه. Est-ce que la chose à laquelle vous êtes en train de prêcher les gens, c'est-à-dire quoi? Anna al-Qur'an makhlouq. Est-ce que le messager il l'a su et il a prêché à cela ou bien non? Qala bal alima. Il lui a dit oui, il l'a su ça. Qala fa kana yas'uhu alla yad'u an-nas ilayhi wa antum la yas'ukum fabuhitu. Wa dhahika al-Wathiq. Donc il dit yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pas prêché les gens à ça. Si tu dis qu'il l'a su, il a pas prêché à ça. Fahimtou? Donc lui, il a su, le prophète il a su, il n'a pas prêché les gens à ça. Donc pourquoi vous prêchez? C'est beau et tout dans le sens qu'ils ont été... Voilà. Al-Wathiq, il a ri. Il s'est levé en tenant sa... comme tenant sa bouche. Il est rentré dans le ghurfa ta'ou. Il a étendu ses jambes. Il a en disant Amrun wasi'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit un sujet sur lequel le messager... Il s'est limité à ne pas en parler, à se taire à ce sujet. Et nous, on ne va pas se limiter à ça. ثم أمر أن يعطى الشيخ 300 دينار وأن يرد إلى بلده. Il a ordonné à ce que cette personne qui est venue menotter, on lui donne 300 dinars et de le ramener dans son قرية ou dans son بلد. وعن طاهر بن خلف قال سمعت المهتدي بالله ابن الواثق يقول. Donc ça c'est واضح. يقول il disait à propos de son père كان أبي donc ça c'est le fils de الواثق il disait كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا. Notre père quand il voulait tuer quelqu'un il faisait en sorte qu'on soit présent. قال فأتي بشيخ مخضوب مقيد. On a fait venir un شيخ مخضوب عنده الخضاب. الخضاب c'est الحنة comme الحنة qu'ils mettent là sur la barbe ou là. Hein? مخضوب مقيد quelqu'un qui était âgé شيخ avec menotté. فقال أبي mon père a dit c'est-à-dire الواثق إذن لي أحمد بن أبي دؤاد وأصحابه autorisé ابن أبي دؤاد أحمد بن أبي دؤاد et les gens qui sont avec lui يعني de rentrer وأدخل الشيخ فقال السلام عليكم يا أمير المؤمنين on a fait rentrer le الشيخ donc c'est le hein, الشيخ مخضوب مقيد et il a dit السلام عليكم السلام عليكم au prince des croyants الحاكم فقال لا سلم الله عليك. Il lui a dit, il a répondu de manière négative. قال بئسما أدبك مؤدبك. Comme tu as été mal éduqué. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. Le verset, tu as le non? Quand on vous adresse une salutation, adressez-en une meilleure ou bien au moins rendez-la. Nisa 4, verset 86. فقال أحمد بن أبي دؤاد الرجل متكلم. Ibn Abi Du'ad l'a dit la personne متكلم. يعني il parle. D'accord. Il se permet. Non, ils auraient dû mettre point d'exclamation. Rajul mutakallim. Qala kallimhu. Fa qala ya sheikh ma taqulu fil Qur'an. Donc ils lui ont dit qu'est-ce que tu dis à propos du Qur'an? Qala لم تنصفني وللسؤال. Il lui a dit, tu n'es pas juste envers moi. C'est à moi de poser la question. Il a dit, interroge, vas-y, pose ta question. Il lui a dit, qu'est-ce que tu dis? Vous avez compris le qissa? Ibn Abi Du'ad, hadar ma shir. Shir, tu n'as pas été juste avec moi. C'est à moi de poser la question. C'est moi qui est venu nadrk. C'est moi qui est venu voir qu'est-ce que tu dis à ce sujet. Il lui a dit, pose ta question. Mu'tazili. C'est quel le mot là? الشيخ للمخ عنده الخضاب قال سل il lui dit interroge قال ما تقول انت il lui dit qu'est-ce que tu dis toi الشيخ il interroge ابن ابي دؤاد il lui dit qu'est-ce que tu dis toi sur le Coran قال مخلوق il lui dit le Coran il est créé قال هذا شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر والخلفاء ام لم يعلموه il lui dit ce que tu es en train de dire le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a su et Abu Bakr et Omar et les califes après lui ou bien non. فقال شيء لم يعلموه. Il lui a dit non, il ne savait pas tout ça. قال سبحان الله. شيء لم يعلموه وعلمته أنت. Il lui a dit eux, ils ne savaient pas ça et toi, tu le sais. فخجل. Il a eu honte. من الخجل. وقال أقلني. قال أقلني. قال المسألة بحالها. ما تقول في القرآن. أقلني c'est laisse-moi. قال المسألة بحالها. Le sujet. ما تقول في القرآن؟ Qu'est-ce que tu dis sur le Coran؟ قال مخلوق. Il lui a dit le créé. قال شيء علمه رسول الله. قال علمه. Il lui a dit est-ce que le messager savait ça؟ Il lui a dit oui, il savait. قال أعلمه ولم يدعو الناس إليه. قال نعم. Il a dit il a su ça. Il l'interroge. Il l'interroge et lui demande. Donc il a su ça. Il n'a pas prêché les gens à ça. Il lui dit oui. قال فوسعه ذلك. قال نعم. Il lui a dit et il s'est limité à ça. Donc il l'a su qu'il était créé. Il n'a pas prêché les gens à ça. Il lui dit oui. Il s'est arrêté là. Il s'est limité à ça. Il lui dit oui. قال أفلا يسعك أفلا وسعك ما وسعه ووسع خلفاء الخلفاء بعده. Il dit donc, ça ne te suffit pas ce qu'ils ont fait eux. Ils ont su. À la قوله هو. Ils ont su. Et ils n'ont pas prêché. Ils se sont arrêtés là. فقام الواثق فدخل الخلوة. الواثق il s'est levé. Il est rentré le خلوة. Et il est resté seul. Tête à tête. بمعنى أنه il est rentré. Il s'est mis à l'écart. Il s'est isolé. واستلقى وهو يقول الاستلقاء c'est s'allonger sur le dos الاضطجاع c'est sur les côtés الاستلقاء c'est sur le dos donc c'est mes bien plaisir tout ça شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي علمته أنت سبحان الله il dit quelque chose que le messager n'a pas su أبو بكر non plus عمر non plus عثمان non plus علي non plus toi tu l'as su سبحان الله عرفوه ولم يدعو يدعو إليه الناس. Ils ont su, ils n'ont pas prêché les gens ça. فهلا وسع كما وسعهم. Pourquoi tu ne, يعني, comment ça se fait que tu ne t'arrêtes pas là où ils se sont arrêtés? ثم أمر برفع قيد الشيخ. Puis il a ordonné à ce que le ligo, okay, cool. Ouais. On lui enlève يعني les menottes les عنده. وأمر لهم بأربع مئة دينار. Il a gagné 100 dinars. Et on lui a ordonné de donner 400 dinars. وسقط من عينه ابن أبي دؤاد. Saqata min aynihi, il est tombé de son œil. Ça veut dire qu'il n'a plus de valeur. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, tu peux même dire ça à propos d'Allah. Fulan, saqata min aynillah, il n'a pas de valeur auprès d'Allah. Il dit, yajouz hada. Donc, il y a ibara, la ba'sa biha. Walam yumtahin ba'daha ahadan. Il dit que le wathiq, il n'a plus examiné personne après cela. Testé. Inch'Allah. Donc ça c'est le qissa de Al-Wathiq. Al-Wathiq avec Bishr al-Mirrisi et Ibn Abi Du'ad et Al-Rajul al-Sunni, je ne sais pas ce qui est pas cité. Vas-y, quelle année il est mort 218. بشر ابن غياث المريسي كبار المعتزلة الله يهديك. بغيت ندخل بشر كلهم يعني ايه باش بشر بشر سي كاين. دونك الشيخ يدي كونكلوزيون تو سا سي زياده من اخ جزاه الله خير سيغ سير على النبلاء او بيان دوطخ بالك سير على النبلاء ساكيلا سيتي. فالحاصل ان هذه المساله عظيمه سو بوين لا لي تري امبورطون وهي مهمه جدا لا يتهاون بها يدي سي ان سوجي اون غراند امبورطونس فو با لا نيجليجي ولا يقال كما يقوله بعض الجهال والكتاب المثقفين فو با دير كوم disent certains ignorants, Johal, Kutab, des grands écrivains ou des grands ignorants, Mubalara, le Moutakafin, des gens qui ont de la culture, ou l'Asha'ara, ou bien l'Asha'ara, ou Manaha Nahwahum, ceux qui ont pris le même chemin qu'eux. هذه مسألة لا تحتمل كل هذا الاهتمام. Il dit, يعني, ce point-là ne demande pas autant de discussions, autant de. وهذه الردود, tous ces. Toutes ces répliques. وقد احتج الإمام أحمد عليهم بقوله حتى يسمع كلام الله. كذلكم قال الله من قبل الفتح. Verset 15. قال الله أثبت لنفسه الكلام والقول. Donc il dit, l'imam Ahmed en fait il a utilisé des versets du Coran. حتى يسمع كلام الله. On a vu dans التوبة avant, verset 6. كذلكم قال الله من قبل. C'est ainsi qu'Allah a dit précédemment. Un verset aussi. قال الله أثبت لنفسه الكلام والقول. الله يستخبئ لمن؟ يستخبئ للكلام أنه يتكلم والقول. وتنزيله. Donc le Coran. تنزيله. C'est la révélation d'Allah. أي القرآن. أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. Il a révélé le Coran par l'intermédiaire de Jibril عليه السلام. قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. Donc سورة الشعراء 26 verset 193 194 195. الروح الأمين ici traduit par l'esprit fidèle c'est Jibril عليه السلام est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. فهذا واضح وجلي. Ça c'est très clair, très apparent. ومع هذا فيأتي من يقول malgré cela il y en a qui disent القرآن مخلوق غير منزل. القرآن il est créé. Ce n'est pas une révélation d'Allah comme vous le considérez. والله لم يتكلم به. Allah il ne l'a pas dit hein? Il n'a pas cité le Coran هذا. ولا والله لا يوصف بالكلام. Ils disent Allah ne faut pas lui donner cet attribut أنه يتكلم. تعالى الله عما يقولون. قوله ونوره. Donc le Coran تنزيله وتنزيله ونوره. C'est sa lumière. Le Coran, يوصف بأنه نور. Le Coran, c'est une lumière. قال تعالى ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء ومن عبادنا. الله يدينا سورة الشورى ويسمى روحا ووحينا إليك روحا من أمرنا. Les deux versets sont dans سورة سورة الشورى. Même verset 52. C'est ainsi que nous avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Surat 42, verset 52. Ruhun liyanna al-qulub tahya bihi. Donc c'est esprit traduit zaka, parce que les cœurs ils sont vivants à travers le Coran. Kama anna al-abdan tahya bil-ruh. Tout comme les corps, si le ruh n'est pas là, la personne elle meurt. Hein? Qabd al-arwah, malak al-maut, quand il vient, il enlève le ruh. Donc la personne elle meurt. Là, c'est pareil, si ton cœur n'a pas le ruh, c'est-à-dire le Coran, il meurt. Fa huwa ruh al-qulub, wa ruh al-ma'ruf, wa ruh al-abdan. Donc c'est l'esprit, une saha ta'bir, des cœurs. Fa huwa nourun, wa huwa ruhun, wa huwa hudan, wa huwa tadkiratun wa mou'idha. Le Coran, c'est une lumière, c'est un ruh, c'est guidé, c'est un rappel, c'est une exhortation. Wa la huwa asma'un kathira, mimma yidullu ala azamati. Il a beaucoup de noms, ce qui montre sa grande valeur. قوله لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. القرآن provient d'Allah. Est-ce qu'il provient d'Allah? C'est incréé. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ليس بمخلوق. الله lui-même n'est pas créé. Ni ses noms ni ses attributs. فهو خالق وغيره مخلوق. Il est le créateur et autre que lui c'est créé. فلا يقال إن الأسماء والصفات مخلوقة. Faut pas dire que les noms et les attributs sont créés. لأنها من الله وما كان من الله لا هو غير مخلوق. Parce que ça provient d'Allah. Ce qui provient d'Allah, c'est pas créé. بمعنى أن الله يوصف بها. Allah fait partie de ses attributs. فالله بأسمائه وصفاته خالق وما عداه فهو مخلوق. قوله وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله. Telle est la parole de Malik ibn Anas et Ahmed ibn Hanbal. Rahimahullah. Rahimahumullah. Hada qawlu al-a'imma. Ça c'est la parole de al-a'imma. L'ulama. Wa minhum Malik imam dar al-hijra. Parmi eux. L'imam Malik Abu Abdillah. Malik ibn Anas al-Asbahi. Ses origines, comme vous le savez, c'est yéménite. L'imam Malik, rahimahullah. Wa l'imam Ahmed, alladhi uddiba ala hada. L'imam Ahmed, qui a été châtié sur ça. Ahmed, Abu Abdillah aussi. Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal, Shaybani. Uddiba ala hada. Il a été torturé là-dessus. Wa udhiya rahmatullah, rahimahullah wa sabar. Donc, udhiya, ça vient de l'adha. Ils lui ont fait du tort, des méfaits. Rahimahullah. Et il a patienté. Wa ghayruhum min a'immati ahli sunna hada qawluhum. Et les autres, min ulama ahli sunna, c'est ça leur parole. قوله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما. Les gens qui sont venus avant eux, Malik Mutawaffa 179 et Ahmed 241. Donc il y en a qui étaient avant eux, il y en a qui étaient après eux. من قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما. Ceux qui étaient avant eux, avant Malik et Ahmed, et ceux qui étaient après eux. يعني لم ينفرد الإمام مالك والإمام أحمد بهذا. C'est pas seulement l'imam Malik et l'imam Ahmed qui ont dit ça. بل قالهما به بل قال به من قبلهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. Ils avaient la même conviction, ceux qui sont venus avant eux, comme les compagnons, tabi'in, les successeurs, et ceux qui sont venus par la suite. وَمِنْ بَعْدَهُمْ مِنْ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ. Ceux qui sont venus après eux. قَوْلُهُ الْمِرَاءُ فِيهِ كُفْرُ. Le fait de débattre à ce sujet, de la mécréance. Je débat, polémiquer à ce sujet, est l'incrédulité. Incrédule, كُفْرُ. الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ هَلْ هُوَ مَخْلُوقٌ أَمْ أَوْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. Le fait de الْمِرَاء de débattre à ce sujet au du Coran, est-il créé ou incréé, ou أن الإنسان يتشكك ويقول ما أدري, ou bien la personne qui se laisse insérer des doutes, qui se laisse avoir des doutes, يتشكك ويقول, il dit ما أدري, je sais pas, ce sujet المسألة خلافية, c'est un sujet de divergence, كما يقولون الآن, comme les gens disent aujourd'hui, فقد ظهرت ظاهرة الآن يقولون المسألة خلافية. Donc il dit il y a des gens qui sont apparus maintenant, notre époque ou un peu avant, disant que le mas'ala khilafiyya, c'est un sujet de divergence. Dans le sens qu'il faut respecter les deux opinions. فَنَقُولُ عِنْدَ الْإِخْتِلَافِ الْمُتَّبَعُ الدَّلِيلِ. Et des chers, quand il y a une divergence, on revient à la preuve. فَمَا تُعُبِّدْنَا بِخِلَافِ النَّاسِ وَأَقْوَالِ النَّاسِ. Allah, il n'a pas fait en sorte que nous l'adorions à travers les divergences des gens ou les paroles des gens. تُعُبِّدْنَا بِالدَّلِيلِ. Allah, il nous a fait en sorte qu'on doit l'adorer à travers la preuve. C'est juste, une fois il y a Tu'ubidna, le premier. Les deuxième Tu'ubidna. Tu'ubidna, c'est... Anna qui est prête à déjà, je l'ai souligné, parce que je suis allé. Quand j'ai vu la deuxième, Araft ibn Khata. Tu'ubidna. Ça vient de l'ibada. Ta'abud. Le premier ou le deuxième? L'awwal. Tu'ubidna bid dalil. Fa na'aridu l'khilaf ala dalil. On expose la divergence sur la preuve. Ma qama alayhi ad-dalil fa huwa al-haqq. Ce que la preuve, elle se court comme parole, ce qui est en conformité avec la preuve, c'est la vérité. Wa ma khalafa ad-dalil, ma khalafa ad-dalil fa huwa batil. Fa huwa al-batil. Ce qui est en non conformité avec la preuve, c'est faux. Wallahu lam yatrukna lil ara wal aqwal wal khilaf. Allah ne nous a pas laissé chacun choisit les opinions, ou bien sujet aux opinions, se soumettre aux opinions, aux paroles. Divergence. Bel qala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Si vous divergez à propos de quelque chose, renvoyez-le à Allah et au messager. Surat Nisa 4, verset 59. Wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Dhalikum Allah rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Shura, verset 10, surat 42, verset 10. فيجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il faut impérativement revenir au Coran, revenir à la Sunna, فيؤخذ ما قام عليه الدليل ويترك ما خالف الدليل. On prend ce qui est en conformité avec le dalil et on rejette ce qui est en non conformité avec le dalil. وما الذي يأخذ القول وأما الذي يأخذ القول الذي يوافق هواه أو شهوته ولو خالف الدليل فهذا ضال. Celui qui prend les paroles qui sont en conformité avec sa passion, avec ce que lui souhaite, avec ce que lui pense, avec shahwa, avec son hawa, son hawa, ben sa shahwa, même si c'est en non conformité avec la preuve, celui-là, c'est un perdu. Hada ya'budu hawa, il adore sa passion. Amma alladhi ya'budu Allah, fayakhudhu alladhi qama alayhi al-dalil min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui adore Allah réellement, il prend ce qui est en conformité avec la preuve, min al-kitab wa sunnah. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. Il faut avoir foi dans la vision d'Allah le jour de la résurrection. Ils verront Allah avec les yeux de leur tête. Et Allah les jugera sans aucun voile, ne les sépare et sans interprète. الشرح. ومن مسائل العقيدة المهمة العظيمة إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. Donc parmi les points importants à soulever dans le dogme, le fait que l'affirmation que les croyants, les mؤمنين, ils verront Allah يوم القيامة, jour de la résurrection, عيانا بأبصارهم, avec leurs yeux. كما يرون القمر ليلة البدر, comme c'est dans le hadith, comme ils voient la lune, nuit de pleine lune. وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب, comme ils voient le soleil quand le ciel il est dégagé. صحو, c'est quand il n'y a pas de nuages, il n'y a rien. ليس دونها سحاب, il n'y a pas entre الشمس et le رأي, la personne qui regarde, سحاب, des nuages qui brouillent la vision. كما جاء في الأحاديث الصحيحة, comme c'est venu dans الأحاديث authentique. التي تواترت في إثبات رؤية المؤمنين لربهم. كم سيرابورتي التواتر. نصوص متواترة. sur le fait d'affirmer que رؤية المؤمنين, que les المؤمنين ils vont voir Allah. وقد ساق الإمام ابن القيم في حديث الأرواح. حافظ الإمام ابن القيم رحمه الله. a cité dans حديث الأرواح. حديث الأرواح إلى بلاد الأفراح. c'est un livre là-bas في المكتبة. sur الجنة. sur le Jannah, l'Awsaf, etc. Les hadiths waridah fi hadha, les hadiths qui sont rapportés à ce sujet. Wa tawassa'a fi dhalika bi asanidiha, il a ramené ça d'une manière large, dans le sens il a approfondi ce sujet-là. Il a ramené les hadiths avec l'asanid. Wa hiya mutawatira fi ithbat anna al-mu'minina yarawna rabbahum 'iyanan bi absarihim. Donc c'est des hadiths mutawatir. Il n'y a pas moyen de démentir cela. Comme quoi les mu'minin ils vont voir leur Seigneur عيانا بأبصارهم, avec leurs yeux d'une manière réelle. وخالف في ذلك أهل الضلال من الفرق الضالة كالمعتزلة ومن ذهب من ذهبهم فنفوا الرؤية وهي مذكورة في القرآن. Donc il dit خالف في هذا, on contredit à ce sujet-là, أهل الضلال, secte égarée, من الفرق الضالة, comme المعتزلة, et ceux qui ont pris la même idéologie que. Ils ont démenti cette vision-là. Alors qu'elle est citée dans le Coran. قَالَ تَعَالَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَ. Allah il a dit à ce sujet-là, à ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense. C'est-à-dire le Jannah, et même davantage. Davantage c'est الرؤية. Surat Yunus 10 verset 26. جَاء فِي صَحِيحِ مُسْلِمْ أَنَّ زِيَادَةَ هِيَ النَّظَرْ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. C'est ramené, rapporté dans le recueil de l'imam Muslim, que الزيادة c'est le regard, le visage d'Allah جل وعلا. روى مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Hadith. Donc quand les gens du paradis rentreront au paradis, Allah dira, est-ce que vous voulez un surplus? Et ils vont dire, n'as-tu pas illuminé nos visages? N'as-tu pas, ne nous as-tu pas fait rentrer au paradis et sauver de l'enfer? Il va enlever le voile, yakshif le hijab. Ils ne vont pas avoir un plaisir plus grand que le fait de regarder leur Rabbihim Azza wa Jal. Puis il a cité le verset Lilladina Ahsan Husna wa Ziyada. Qala ta'ala lahum ma yasha'una fiha lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Il a dit dans Sourate Qaf, verset 35, il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous il y a davantage encore. المزيد هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ورد ذلك في حديث أنس رضي الله عنه رواه الإمام الشافعي في مسنده والبزار في مسنده وابن جرير في تفسيره وغيرهم صححه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة. Donc il dit que dans ce verset également, le mazid il y aura davantage encore, c'est le nazar, le regard, la vision d'Allah. وجاء في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. C'est venu dans surat Al-Qiyama, verset 22 et 23. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. ناظرة بالضاد من النضرة وهي البهاء. Donc ناظرة, traduit ici par resplendissant, ça vient du mot نضرة. نضرة c'est le بهاء, c'est-à-dire comme ils ont dit ici, resplendissant de la beauté. تعرف في وجوههم نظرة النعيم مطففين verset سورة 83 verset 24 إلى ربها ناظرة القيامة 23 qui regarderont leur Seigneur بالضاء ناظرة le premier avec الضاد deuxième ناظرة avec الضاء أي بأبصارهم تنظروا إلى الله جل وعلا travers leur regard ils vont regarder Allah يتنعمون بذلك شدة مِمَّا يَتَنَعَّمُونَ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ. Ce sera un délice plus grand encore que le délice qu'il y a dans le paradis. هذا في القرآن الكريم. Tout ça c'est dans le Coran. في سورة المطففين قال في الكفار. Dans سورة المطففين 83. Il a dit à propos des kuffars. Il a dit كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمْحْجُوبُونَ. Qu'ils prennent garde en vérité ce jour-là. Un voile les empêchera de voir leur Seigneur. سورة 83 verset 15. مَحْجُوبُونَ عَنْ رُؤْيَةِ اللَّهِ. Pourront pas voir Allah. Un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Mahjouboun. Ça vient de hijab. فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله فهذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل. C'est ce qu'on appelle مفهوم المخالفة dans son fiqh. مفهوم المخالفة. Puisque les kuffar, ils vont pas le voir parce qu'il y a un hijab. Les mu'minin, ils vont le voir. Il y aura pas de hijab. وذلك لأن المؤمنين آمنوا في الدنيا ولم يروه. Les mu'minin, ils ont cru en lui ici-bas alors qu'ils ne l'avaient pas vu. بل يعتمدوا على البراهين فآمنوا به. Ils se sont basés sur les preuves claires. Ils ont cru en lui. وصدقوا رسله. Ils ont déclaré véridique leur messager. Ils ont déclaré véridique ses messagers. فآمنوا به ولم يروه في الدنيا. فأكرمهم الله في الجنة فتجلى لهم ورأوه عيانا. Donc il les a gratifiés au paradis. Il est apparu. Devant eux et ils l'ont vu avec leurs yeux. لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه وأما الكفار لما كفروا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة جزاء لهم جزاء وفاقا. Donc puisque les kuffars ils ont pas cru en lui في الدنيا donc ils vont pas le voir يوم القيامة جزاء وفاقا. Récompense conforme à l'acte. ومن الشبه التي اعتمد عليها المعتزلة ومن قال بقولهم أن الله تعالى قال لموسى لن تراني. Parmi les équivoques sur lesquels se sont basés les معتزلة et ceux qui ont dit la même parole que, c'est que Allah il a dit à Moussa عليه السلام لن تراني, tu ne me verras pas. قوله تعالى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل ولكن أنظر إلى شنو هو إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. سورة الأعراف 143. Lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit: Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit: Tu ne me verras pas. Mais regarde le mot s'il tient en place, alors tu me verras. L'Araf 7, verset 143. Qalu wa hada dalilun ala anna yura. Il dit ça c'est une preuve, comme quoi Allah ne peut pas le voir. Yaqul na'am, hada fi dunya. Il dit oui, ça c'est. Le Cheikh dit oui, c'est vrai, mais pas fi dunya, ici-bas. Lianna al-waqi'ata. Waqi'ata avec une fatha. Nous revient à Qissat Bitanaim là. Ça passe. Waqi'atu andak. Hein? Anna. Il y a une حصلت في الدنيا. Cet événement-là s'est passé في الدنيا. Il y a une قصة مع موسى عليه السلام. نحن متفقون على أن الله لا يرى في الدنيا. On est tous d'accord qu'Allah n'est pas visible في الدنيا. فموسى سأل أن يرى في الدنيا. موسى il a demandé de le voir ici-bas. قال الله جل وعلا قال لن تراني. Il a dit tu ne me verras pas. يعني في الدنيا. C'est-à-dire ici-bas. والنفي بلن لا يقتضي التأبيد. La négation à travers لن. حرف لن. L'article لن. لا يقتضي التأبيد. Ça n'engendre pas qu'il ne sera pas visible. Qu'il ne sera pas visible à l'absolu. Jamais. بل هو نفي مؤقت. C'est pour apposer une négation provisoire. فهو قال لن تراني. Il a dit لن تراني, tu ne me verras pas. يعني لن تراني في الدنيا, tu ne me verras pas ici bas. وفي لغة العرب أن النفي بلن لا يقتضي التأبيد. في لغة العرب ils disent que لن c'est un حرف qui n'engendre pas la négation à l'absolu. ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية في النحو ابن مالك رحمه الله il dit à propos de الكافية الشافية dans son poème presque 3000 vers, il dit ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا وهذا والله اعلم اصح parce que dans d'autres كتب on a trouvé فاعبدا فاعبدا فاعبدا c'est beaucoup plus clair يعني dans le sens ومن يرى النفي بلن مؤبدا celui qui dit que à travers لن tu peux nier quelque chose للتأبيد à jamais فقوله اردد sa parole rejette là وسواه فعضدا et autre que cela أعضد c'est-à-dire soutien hein? Soutien autre que cela فهمتوا انظر كافية الشافية لابن مالك مع شرحها لولده بدر الدين محمد واللي شرحها ابن مالك متوفى 672 il est né en 600 ou bien 598 600 600, Mouloud 600, tout fait 672. L'année où Ibn Ajram, Fassi, Wulid. Quand Ibn Ajram est né, Ibn Malik est mort, la même année. Cheikh Falah Ismail, dans son explication de Barbahari, dit L'an, elle vient des fois les ta'bid. Mais dans ce cas-là, elle n'est pas venue les ta'bid. Il y a le verset qui vient derrière, Cheikh va l'expliquer là. Ay anna, l'an, les autres machaïk, ils disent ça ne vient pas les ta'bid. Il ne détaille pas. الشيخ سعد دون شرح الزاد زاد المستقنع الشيخ صالح الشيخ نايفي دون اللمعة يدي تابين با للتأبيد وغيرهم أي أن لن لا تقتضي النفي المؤبد لن سافيان با بور نيي كلكو شوز على ابسولي والدليل أيضا أن الله قال في اليهود الله الذي أبروبو دي جويف فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا مي سيوسى البقرة. Donc en fait là il utilise harf lan. Ici le verset qui ramène c'est pour utiliser lan. Le fait que ils vont pas souhaiter cela. 94. Souhaitez donc la mort immédiate. Si vous êtes véridique à propos de l'Yahoud. Or ils ne la souhaiteront jamais. Or ils ne la souhaiteront jamais. Walan yatamannawhu abadan. Allah il a dit qu'ils la souhaiteront jamais. Al-Baqarah 94-85. Alors que c'est venu que par la suite ils vont se la souhaiter quand même. Hein? Après la mort, ils vont se la souhaiter. Liestarihu min al-adab. C'est-à-dire, wa lan yatamannaw al-maut abadan fi dunya. Ici-bas. Et après la mort, ils vont se souhaiter. Liestarihu min al-adab. Pour se reposer du châtiment. Qala ta'ala wa nadaw ya malik liyaqdi alayna rabbuk. Donc ils vont appeler l'ange qui qui le fait. L'ange qui s'occupe du feu. L'ange gardien de feu. Cheikh Abou Mohsen Abad, il dit c'est pas prouvé que Redouan est Khazanat al-Jannah. Beaucoup les gens disent Redouan, c'est le gardien de Jannah. Et Malik, c'est le Malik, c'est le gardien de Nar. Et Redouan, c'est le gardien de Jannah. Dans l'Arba'in Nawiyah, ils l'ont interrogé sur ça. Il a dit Sauti, pas dans le livre. Dans le livre, il est tout court. Dans Sauti, il est beaucoup plus long. Il dit La na'lamu dalilan, qu'on n'a pas de preuve à ce sujet. Comme quoi, Redouan, min khazanat al-Jannah. Trois. Wanadaw ya Malik liqdi alina rabbuk. طلبوا الموت دونك ils ont demandé la mort hein on a lu le verset ou là non ils crieront ô Malik que ton seigneur nous achève que ton seigneur nous achève alors qu'avant Allah il a dit ils vont pas se souhaiter la mort ici ils se souhaitent la mort hein قال انكم ماكثون طلبوا الموت فدل على ان لن ليست للنفي المؤبد ça montre que لن c'est pas pour une négation à l'absolu. Parce qu'au début il a cité l'an, ou l'an yatamannawhu, et finalement, tamannawhu. Finalement, tamannawhu. Femme-tu ? Hada wa muqtada l'ugha l'arabiya wa wa muqtada ma dalla alayhi l'Qur'an. Donc c'est ça le sens de l'ugha l'arabiya et l'Qur'an. Donc il faut impérativement avoir des bases dans l'arabiya, sinon, Mu'tazili t'emmène avec lui. Qalu aydan, mimma yidullu ala anna allaha la yura, qawluhu, la tudrikuhu l'absar wa huwa yudriku l'absara. L'an'am, 103. Également, parmi les paroles qui montrent que Allah on peut pas le voir, la yura, yani fi dunya, qawluhu, sa parole, la tudrikuhu l'absar wa huwa yudriku l'absar. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards, et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Naqulu lahum, hada laysa nafyan lirru'ya, wa innama huwa nafyan lil-idrak. On dit ça c'est pas une négation quant à la vision, c'est une négation quant à la perception. Peuvent pas l'atteindre. L'idrak. Ma qala la tarahu l'absar. Il n'a pas dit que les regards ne vont pas le voir. Qala la tudriku. Wa nafi l'idrak gairu nafi l'ru'ya. Nafi l'idrak. Le fait de renier l'idrak. Le fait qu'ils vont le percevoir. Ça ne. Ou bien l'atteinte. Hakak. La tuhitu bihi. Ça ne veut pas dire qu'on rejette la vision. La tudrikuhu nafi l'idrak ghair nafi l'ru'ya. Fal absar tarahu lakinnaha la tudrikuhu. Yani la tuhitu bihi. Ils ne vont pas le cerner. Fal idrakuhu l'ihata billahi jalla wa ala. Fahum wa in ra'auhu fil janna la yuhituna bihi subhanahu wa ta'ala. Même s'ils le voient dans le paradis, ils ne vont pas le cerner. Fal manfiyu huwa l'idrak alladhi bima'na l'ihata. Donc ce qui est renié à ce sujet, c'est l'idrak, c'est l'ihata, le fait de le cerner, c'est pas la vision. Fahiya tarahu, fahiya tarahu, fahiya c'est quoi? L'absar. L'absar tarahu, lakinnaha la tudriku. Le ulama dit ça, c'est une preuve contre eux. C'est une preuve comme quoi Allah il va être vu, puisqu'il a renié l'idrak, il n'a pas renié l'ru'ya. Ça montre qu'il y a une ru'ya, mais il n'y a pas d'idrak. La tudriku, lakinnaha tarahu bimujib al-adilla. Wal jam'u bayna an-nusus huwa al-wajib. Réunir les textes, c'est ça qui est l'obligation qui nous incombe. Idha hasala shay'un min al-ikhtilaf bayna an-nusus, famahma amkana al-jam'u baynahu, famahma amkana al-jam'u, fayujma'u baynaha. Tant qu'on peut réunir les textes et trouver un sens à chacun, il faut le faire. Wa hadha wadihun walhamdulillah, wa kalam Allah la yatanaqadu abadan. Il dit les paroles d'Allah sont claires. Et ça c'est clair, et les paroles d'Allah, kalam Allah la yatanaqad, ça ne s'annule pas, ça ne se contredit pas, ça ne s'oppose pas. Bal yufassiru ba'duhu ba'da. Certaines de ces paroles expliquent les autres, clarifient les autres. Amma alladhi ya'khudhu ayatan wa yatruku al-ayata al-ukhra, fa hada min ahli az-zayr. Celui qui prend un verset qui en délaisse un autre fait partie des gens de la déviation. Qala ta'ala fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wili. Fa al-Qur'an يستدل به كله كل من عند ربنا آل عمران 7 كما يقول الراسخون في العلم فيفسر القرآن بعضه بعضا ولا يختلف أبدا لأن الله نفى عنه الاختلاف قال تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Allah a dit à propos du Coran, ne cherche-t-il pas à méditer sur le Coran, s'il provenait de quelqu'un d'autre qu'Allah, ils auraient trouvé dedans d'énormes divergences. Surat 4, verset 82. فإذا أشكلت عليك آية فإنك تلتمس في القرآن ما يفسرها. C'est un verset qui n'est pas clair. تلتمس, c'est-à-dire tu recherches. Tu recherches dans le Coran s'il y a quelque chose qui vient de la clarifier. فإن لم تجد فإنك تذهب إلى السنة. تجد في السنة ما يفسرها. تجد في السنة ما يفسرها. Il dit donc, si tu ne trouves pas, tu vas voir dans le Sunna, c'est quelque chose qui la clarifie. فإن لم تجد في السنة ما يفسرها فإنك تذهب إلى أقوال الصحابة الذين رووا. عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Trouve pas dans le sunnah, tu regardes les paroles des compagnons qui ont rapporté du messager عليه السلام. تجد في أقوالهم ما يفسر الآية التي أشكلت عليك. Tu vas trouver des paroles à eux qui clarifient cela. ولله القرآن ولله الحمد محفوظ في لفظه وفي معناه لا يتعارض ولا يتناقض إنما التعارض في أفهام البشر. Il dit le Coran, il ne s'oppose pas, il se contredit pas, la contradiction elle est la compréhension des gens. C'est à quelle heure l'adhan ? وكذلك المتعلمون الذين لم يدرسوا العلم ولم يأخذوا قواعد الاستدلال والمدارك. Il dit le متعلمون. تعلمون, c'est les gens qui s'adonnent à l'ilm alors qu'ils n'ont pas, ils ont pas la, la capacité. Voilà, pseudo-savant. Qui n'ont pas étudié l'ilm et qui n'ont pas, qui ne connaissent pas qawa'id l'istidlal, comment est-ce qu'on sort la dalil, comment on sort les preuves, etc. Ou le madarik, yastadilluna bila fiqh. Yastadilluna bila fiqh. Hein? Yastadil, ça veut dire ils prennent en tant que. Ils utilisent des arguments, voilà, sans compréhension. Fiqh ou le fahm. Ou yuthbituna ashiya ma athbataha qablahum. Ils affirment des choses qu'il n'y a personne avant eux qui a affirmé cela. Tout ça à cause de l'ignorance et le ta'alum. Ça, ce sont des points qui sont très importants. Tu as besoin de ta'alum, de t'instruire, diqqa, de précision, tarawin, de réflexion, tathabbut, de te raffermir, d'être sûr quand tu parles. لأن العقيدة هي الأصل. العقيدة سي تروين سبيان دو الروية. الروية العقيدة هي الأصل. سي سا لا باز لا كونفيكسيون. وأي خلل فيها فهو خلل في الأصل. نيمبورت كيل سوسي او بروبليم او اموندريسمون كون ا سي ان اموندريسمون سوسي ان بروبليم دون دون لا راسين دون لا باز. فهذا حاصل خلاف الناس في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. فوالا يعني concrètement, il y a la divergence qu'il y a entre les gens, le firaq et tout ça, à propos de la vision d'Allah yawm al-qiyamah. فالله لا يرى في الدنيا وإنما يراه المؤمنون في الآخرة ويحجب عنه الكافرون. Conclusion, Allah ne peut pas le voir ici-bas. Les mu'minin, ils vont le voir في الآخرة et il va être voilé des kuffars. قوله الإيمان بالرؤية يوم القيامة. لماذا قال يوم القيامة؟ لأنه لا يرى جل وعلا في الدنيا. Pourquoi il a précisé le fait de voir Allah yawm al-qiyamah? Parce qu'on ne peut pas le voir ici-bas. قوله يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم. Ils vont le voir avec les yeux de leur tête. قال بأعين رؤوسهم نفيا لتأويل الذين يقولون معنى يرون ربهم أي بقلوبهم لا بأبصارهم. Pour tout ça il a dit les yeux de leur tête pour rejeter la parole de ceux qui interprètent cela en disant qu'ils vont le voir avec leur cœur, vision du cœur. قوله وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. Donc il va les il va les juger sans hajib, sans voile et sans interprète. À quel on traduit hein? Sans voile. Sans voile, sans interprète. أي في يوم القيامة عند الحساب يخلو العبد بربه ويحاسبه الله على أعماله بلغته التي يفهمها العبد. Donc يوم القيامة lors des comptes Allah va se mettre avec la créature. صح التعبير يخلو العبد بربه, que la créature est son seigneur. يحاسبه الله. Allah va imposer ses comptes selon ses actes à travers la langue qu'il va comprendre. الله أعلم يعني الدليل على هذا من لغته التي يفهمها العبد ليس بينه وبينه ترجمان. Il n'y a pas d'interprète entre les deux. الترجمان هو الذي ينقل المعنى من لغة إلى لغة أخرى. Interprète, il n'y a rien à dire là-dessus. كالذي ينقل المعنى من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية أو العكس. لأن اللغات كثيرة comme celui qui transmet les paroles de la langue anglaise à l'arabe ou l'arabe à l'anglais ou bien vers d'autres langues. Hadith qui dit que la langue des gens du paradis c'est l'arabie, hadith ضعيف ou le موضوع. Hadith ضعيف ou le موضوع, un des deux. Un des deux يعتمد sur le fait que لغته أهل الجنة العربية أحب العرب لثلاث, aimer les arabes pour trois choses, que c'est la langue du prophète et le Coran نزل بالعربية, que la langue de أهل الجنة بالعربية. Hadith لا يصح, c'est pas un hadith authentique. Allahu a'lam. Est-ce que le madarik fait quoi? Madarik c'est perception. Où est le madarik? كذلك المتعلمون الذين يدرسوا قواعد الاستدلال والمدارك يعني يفهمون با لي شوز كما يدي الشيخ بن عثيمين سور فيرسي ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون جون كي ديزون اون اونتوندو كي نونتوند با يسمعون سا فيدير ايز اونتوند مي لا يسمعون سمع ادراك سمع يعني ils n'entendent pas d'une manière de quelqu'un qui voilà pour répondre سميع الله لمن حمده الله تعالى أعلم. La vue, Cheikh Talabi il avait parlé de ça une fois. Il a dit par exemple je vois le frigo, تقريب للمعنى لله المثل الأعلى. Il dit par exemple quelque chose qui est lointain, tu le vois, tu le perçois pas. زي حاجة مثلا مكتبة الهين, tu la vois. Mais tu ne perçois pas, est-ce qu'elle est noire, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est... Plein de choses, de détails que tu ne vois pas sur cette chose-là. Tu la vois au loin, mais tu ne la perçois pas comme... comme si tu étais à côté, tu peux vraiment la... Allahu a'lam. Shalat l'inshallah l'adhan. Hada wallahu a'la wa a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.